temps en temps, de temps en temps. Mais de temps en temps, de temps en temps. Pas pour vivre le moment présent, ça pas veut dire dire pour tout le temps. Aux bonnes promesses, moi pas te favoris, pas te veux dire l'amour pour toujours. Pas attention, mal moi fait fou. Pas t'aimer dire l'amour pour toujours. Pas ton sillon.